Psaume 142. Machil de David, qui est une requête qu'il fit lorsqu'il était dans la caverne. Je crie de ma voix à l'Éternel, je supplie de ma voix l'Éternel. J'épands devant lui ma complainte, je déclare mon angoisse devant lui. Quand mon esprit s'est pâmé en moi, alors tu as connu mon sentier. Ils m'ont caché un piège au chemin par lequel je marchais. Je contemplais à ma droite, et je regardais, et il n'y avait personne qui me reconnût, tout refuge me manquait, et il n'y avait personne qui eût soin de mon âme. Éternel, je me suis écrié vers toi, j'ai dit, tu es ma retraite et ma portion en la terre des vivants. Sois attentif à mon cri, car je suis devenu fort chétif, délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus puissants que moi. Délivre-moi du lieu où je suis renfermé, et je célébrerai ton nom, les justes viendront autour de moi, parce que tu m'auras fait ce bien.